que t'es passé. Si tu m'entends. En fait, la note, faut que tu frettes la note qui est au-dessus, comme ça tu l'entends à l'oreille. Tu prends ton fret en dessous et tu tires jusqu'à temps d'entendre le même son. En fait, sans faire le bend, la note, si tu la tires d'un ton, eh ben, tu joues la note un ton au-dessus, comme ça tu l'as à l'oreille, tu descends d'un ton et tu tires jusqu'à temps d'avoir le même son à l'oreille. C'est pas facile, mais il faut travailler pour être juste, parce que justement, c'est le problème qu'on apprend, c'est que. Il faut vraiment que tu la fasses sonner juste ta note et après tu fais le bend en dessous. Et plus t'es. Thank you. Thank you.